Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices et bonjour Mélanie. Bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bon, petit épisode hors sujet ou un peu spécial, il n'y a pas d'intro, il n'y aura pas de générique, on fait voilà un petit truc un petit peu à part. Alors pour parler de deux sujets aujourd'hui, premièrement, enfin l'arrivée d'un son correct. Et deuxièmement, pour parler d'un court-métrage où il y a Cajole dedans, donc vous l'avez peut-être dû passer, qui s'appelle Devi et qui sera un peu en lien avec l'actualité, mais au départ, on va en parler vraiment sans spoiler. Ensuite, on vous enverra aller le regarder. En fait, vous savez quoi? Allez le regarder maintenant. Si vous n'avez pas vu ce court-métrage, il dure 13 minutes, donc c'est aussi long que de regarder une vidéo de Squeezie, hein, c'est facile. Ça s'appelle Devi, Devi. C'est disponible sur YouTube avec des sous-titres en anglais ou vous le trouverez avec des sous-titres français ailleurs, vous en faites pas. Mais voilà, parce qu'on veut en parler quand même, c'était important d'en parler, surtout que c'est en lien avec l'actualité. Voilà, en gros, pour le mini-programme de ce mini-épisode hors série, pour reprendre sur le début, donc sur le son. Donc. Je m'excuse, et c'est notamment moi, hein, parce que mon son a été catastrophique dernièrement, pour plein plein plein de raisons. Alors en plus, entre les histoires de confinement, déconfinement, j'ai pas pu racheter un micro, mon micro était en train de mourir, moi j'avais plein de trucs à gérer, notamment un nouveau dégât des eaux. Donc voilà, mais normalement c'est réglé, nouveau micro, le son sera bien, donc voilà, je m'excuse encore pour les épisodes précédents. Il va falloir encore souffrir un petit peu des oreilles pendant deux épisodes. Et ça va revenir à la normale. Donc là, on sort l'épisode 39, 40, 41. Donc à partir de l'épisode 42, ça y est, le son sera correct. Donc pardonnez-nous encore pendant deux petits épisodes et ça ira beaucoup mieux ensuite. Alléluia, enfin. Bah ouais, c'était pas très agréable moi non plus quand je montais les épisodes. Je vous assure que ça fait des semaines que Mélanie m'entend râler sur ce son. C'est vrai, je confirme. Et quant à moi, si jamais vous entendez un ronronnement, c'est normal parce que j'ai mon chat sur les genoux et qui ronronne. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas votre micro qui a un problème, c'est juste le chat. C'est tout. Ouais, et alors en plus, il faut savoir que du coup, j'habite dans un loft, donc il n'y a pas de cloison. C'est un énorme espace vide, et en plus, j'ai un très grand mur en pierre. Donc, dans le genre réverbération du son, je suis dans les meilleures conditions possibles. Bah, déménage, écoute, qu'est-ce que je te dis? Non, mon appartement est très bien, cela dit. Bon, quoi que je vienne vous vendre un dégât des eaux, mais non, mais enfin bref, ne rentrons pas plus dans. Dans ce genre de sujet, on va parler du coup aujourd'hui du court-métrage qui s'appelle donc Devi. Sans spoiler, ça va être un peu compliqué à part de vous dire parce que honnêtement, moi je l'ai regardé. Alors vous-même, vous savez, je dois vivre dans un autre monde puisque je l'ai vu sans savoir de quoi il parlait. J'ai réussi à le regarder sans savoir. Donc vraiment, vierge de toute idée, j'avais juste vu vite fait l'affiche où je me suis dit, bon, je devine à peu près de quoi ça peut éventuellement parler, mais vraiment, je l'ai découvert sans aucun a priori, donc je pense que ça a un petit peu joué sur ma perception de ce court-métrage. Et voilà, Mélanie, toi, t'en avais entendu parler sur les réseaux? En fait, plus exactement sur Wikipédia, parce que à un moment on avait parlé de Cajol en se demandant qu'est-ce qu'elle avait fait depuis Dilwale, et j'avais vu Devi qui est sorti cette année ou l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Alors c'est cette année, c'est sorti Ouais. le 2 mars 2020. Voilà. Et donc du coup, je suis allée voir un petit peu de quoi ça parlait, et j'ai tout lu. Du coup, je savais déjà de quoi ça allait parler. Et après, je t'en ai parlé. Mais t'as dû oublier de quoi ça parlait, vu qu'apparemment, tu t'en souvenais pas. Ah, totalement. En fait, j'ai revu passer l'affiche. L'affiche me parlait et je me suis dit, ah, c'est vrai, c'est le court-métrage dans lequel il y a Cajole. Il faut que je le regarde. Et du coup, je me souvenais plus. Enfin, non, je me souvenais pas de quand il m'en avait parlé. Et je me souvenais juste qu'on avait dit, ah, tiens, il y a un court-métrage avec Cajole, faudra le regarder. Donc voilà. Donc à partir de maintenant, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Le mieux, c'est d'avoir le moins d'infos possible, moi, je trouve. En tout cas, je l'ai mieux Oui. apprécié en n'ayant pas d'infos. Et revenez et écoutez la suite de ce qu'on va dire. Voilà, on vous laisse 5 secondes pour partir, pour tout couper, et ensuite on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. 2, 3, 4, 5. Allez hop, c'est parti. Alors, ce court-métrage, pourquoi on en parle maintenant alors qu'il est sorti le 2 mars? C'est parce que cette semaine, plus exactement le 25 novembre, c'était la journée mondiale des violences faites aux femmes. Et effectivement, c'est exactement le sujet qui est traité en fait dans le court-métrage Devi, donc qui a été réalisé d'ailleurs par une femme qui s'appelle Priyanka Banerjee. Et voilà, Mélanie, est-ce que tu veux nous raconter en gros de quoi parle ce court-métrage? En fait, on est dans une pièce assez grande d'une maison et on a un groupe d'une dizaine de femmes qui sont posées. Donc, il y en a une qui s'épile, une qui est en train de picoler, une qui est en train de lire. On a un groupe de trois petites mamies qui sont en train de jouer aux cartes. En fait, au début, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. On se dit bah, peut-être qu'elles font toutes partie de la même famille, peut-être qu'il y en a qui sont amies. Bref, elles font un petit peu leurs activités. Et il y en a une d'entre elles qui essaie de rallumer la télévision, qui fait un petit peu des siennes. Et quand la télé s'allume enfin, on a un journaliste qui explique qu'il y a eu un drame récemment en Inde qui a secoué un petit peu l'opinion publique. Et il nous dit, ah, alors là, on est devant la maison de la victime et tout ça. Et là, la télé s'éteint à nouveau. Et en gros, on va sonner à la porte et toutes les femmes vont un petit peu se disputer, se chamailler pour savoir si elles doivent laisser entrer chez elles la personne qui a sonné à la porte ou pas. Et en fait, on ne comprend pas très bien ce qui se passe au début. Enfin, moi, j'avais compris puisque j'avais déjà vu, mais je pense que quand tu connais pas du tout l'histoire, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de laisser rentrer quelqu'un chez elle ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors moi en fait, du coup, comme je connaissais absolument rien au truc, je l'ai regardé. Alors, dès le début, tu sens qu'il y a une atmosphère qui est très pesante. Ça, c'est très bien réalisé, vraiment, avec les musiques ou la façon dont c'est filmé. Il y a une atmosphère qui est assez lourde. Et effectivement, comme à la télévision, on te parle qu'il y a eu un crime, etc., que ça secoue le pays, et quand ça sonne, moi je me suis dit, ah tiens, c'est en fait une maison qui recueille des femmes qui ont eu des soucis, qui sont parties de chez elles, qui ont été. En fait, je trouve qu'on sent rapidement que c'est des femmes qui ont été victimes en fait de violences ou qui ont été chassées, etc. Et je me suis dit, ah bah ça sonne, en fait, c'est vrai, voilà, c'est une maison qui recueille les nouvelles arrivantes. Et très rapidement, la façon dont c'est filmé, tu comprends en fait que c'est l'idée, hein, c'est que ça touche absolument n'importe qui. Donc du coup, t'as toutes les tranches d'âge, des plus jeunes, de l'étudiante aux trentenaires, à ces femmes qui ont l'air d'avoir 50, 60 ans. Tu vois qu'il y a plusieurs religions, donc tu vois Kajol qui fait des offrandes, enfin qui fait les prières du matin, donc qui est hindou. Tu vois qu'il y a une musulmane en burqa. Tu vois que ça touche aussi du coup toutes les tranches de la société, puisque du coup, au fur et à mesure en fait des dialogues pendant qu'elles se disputent, ça nous permet très rapidement et en quelques répliques, et c'est là où tu te dis que c'est bien écrit, de savoir en fait un petit peu leur milieu social dès le début. Donc t'as les plus vieilles où entre deux lignes elles te disent qu'elles ont été mariées à 12 ans, qu'elles sont pas allées à l'école. T'en as une autre, elle a eu plus d'éducation, elle sait parler anglais. On voit qu'il y a une étudiante qui est en train d'étudier de la médecine puisqu'elle est en blouse voilà, de médecin. Et donc du coup ça permet de se dire que voilà, toutes ces femmes qu'on voit, c'est vraiment toute la société, tous les milieux, toutes les religions, toutes les provenances, etc. Voilà, exactement. Et bah, ça montre bien qu'effectivement, la violence bah, peut toucher absolument toutes les femmes. Et d'ailleurs, elles en viennent à un moment à parler aussi de l'âge de leur bourreau pour montrer qu'il n'y a pas un âge type. Il y en a une qui dit, bah, moi, c'était mon mari, il avait 60 ans. Il y en a une autre qui dit, bah, moi, il avait genre 55 ans. Il y en a une qui dit, bah, moi, ils étaient plus jeunes et puis ils étaient deux, ce genre de trucs. Et au fur et à mesure de la discussion, elles en viennent à parler un petit peu de ce qu'elles ont subi. Et notamment, là, tu comprends quelque chose qui va pas en fait. Parce que la femme en burqa, elle déclare qu'elle a été brûlée vive. Là, tu dis, mais pourtant, enfin, tu viens de t'épiler, on a bien vu ta peau, tu n'as aucune trace de brûlure. Et là, tu dis, bon, ok, tu comprends en fait qu'elles commencent à parler de leur mort. T'en as une qui dit, moi j'ai été poignardée, une qui dit qu'elle a été étranglée, une autre qu'elle a, après avoir été molestée, elle a été jetée sur le bord de l'autoroute. Il y en a une autre qui va dire qu'elle, bah, elle s'est suicidée. D'ailleurs, ce suicide est un petit peu l'objet d'une dispute. Parce qu'en gros, la vieille, il dit, ouais, bah ça va, toi au moins, t'as pas saigné ou un truc comme ça. Enfin, c'est toi qui t'es tué toi-même, c'est pas un homme qui t'a tué. Ouais, Et comme si c'était moins grave en fait. Parce que en fait, voilà. ce qu'on comprend, c'est qu'au fur et à mesure, bah, plus ça va, plus la pièce, elle est remplie de femmes, puisque à un même moment donné, Cajol a dit, mais en fait, il y a une victime tous les jours, donc on va devoir accueillir quelqu'un tous les jours, comment on va faire? Et en fait, elles sont en train de se disputer sur bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre cette porte? Est-ce qu'on laisse la nouvelle victime dehors? Est-ce que Où est-ce que quelqu'un doit partir? Et si on doit partir, c'est sur quels critères? En fait, c'est comme ça que tout est tourné, c'est-à-dire qu'elles abordent jamais vraiment les violences, le mot violence, le mot viol, ces mots ne sont pas prononcés alors qu'on devine très bien qu'ils sont là. C'est au cours de leur dispute, c'est tourné de telle façon que c'est pas dit comme un discours qui serait émouvant ou cru ou très direct. C'est assez subtil. Et donc elles sont en train de se disputer en disant bah du coup qui est la plus légitime à partir? Et donc les plus vieilles disent mais attends mais toi en gros bah, c'est juste ton mental qui a flanché, tu t'es suicidé, bah, t'es moins légitime que nous parce que tu t'es donné la mort alors que nous, on nous l'a imposé. Ce qui est horrible, hein, on est d'accord, c'est le but du film, hein, c'est de dire que enfin, le viol et les violences psychologiques, voilà, enfin, c'est aussi tout important, je veux dire, l'état de santé mentale est important et quand t'en viens à te suicider, t'es pas moins légitime que quelqu'un qui a été assassiné, c'est que vraiment le trauma est important et c'est vrai qu'on en avait déjà parlé dans un autre épisode sur le fait que les maladies mentales ou la dépression, voilà, les souffrances psychologiques sont encore mal perçues, déjà chez nous, hein, mais aussi en Inde et sont maltraitées et voilà, c'est aussi pour dénoncer ça. Voilà, exactement. Et donc, il y a le personnage de Cajol qui, au bout d'un moment, dit, écoutez, personne ne partira. Et la femme qui sonne à la porte va être accueillie parmi nous. Tant pis, on va se tasser, on va faire de la place. Et c'est vrai que moi aussi, je me suis posé la question à savoir, qu'est-ce que c'est que cet endroit où elles sont? Est-ce que c'est un espèce de... C'est pas vrai, c'est pas un paradis, c'est pas le paradis, mais c'est pas forcément non plus l'enfer. Est-ce que c'est un espèce de purgatoire? Qu'est-ce qui se passe si jamais elles s'en vont? Où est-ce qu'elles vont? Parce que vu qu'elles sont mortes, qu'est-ce qui se passe en fait pour elles? Et c'est vrai que c'est une question qui est pas claire en fait, qui est pas répondue dans ce court-métrage-là non plus. Et moi, ça m'a intriguée. Ouais, t'as l'impression que c'est un peu des limbes. C'est genre une espèce d'entre-deux. Oui. Surtout que, en fait, quand elles sont en train de se disputer sur le fait que qui doit rester, qui doit partir, tu comprends qu'en fait, elles sont pas en paix et qu'elles ont toutes très peur de sortir de cette maison, puisque à un moment donné, Kajol dit qu'est-ce qu'on fait? Enfin, elle dit c'est pas possible qu'on refuse à quelqu'un d'entrer. On peut pas quand même la renvoyer, on peut pas la renvoyer là-bas chez ces démons. Alors qu'elles sont mortes, donc forcément, les autres mondes sont aussi des mondes avec des morts, et ça veut dire que même morte, tu peux retomber dans un monde avec tes bourreaux, tu vois. Et donc voilà, je pense qu'elles sont dans un entre-deux et qu'elles sont pas en paix en fait. Et que tout ce qu'elles peuvent faire, c'est accueillir, accueillir, accueillir. Et à ce moment-là, quand du coup Cajol part pour aller chercher la personne qui sonne à la porte, moi je m'attendais soit à ce qu'on suive Cajol et qu'au moment où elle ouvre la porte et qu'elle regarde, d'un seul coup, on voit une foule immense à la porte, l'air de dire voilà, elles sont très nombreuses, enfin, il y a énormément de victimes. Je m'attendais à quelque chose comme ça, ou alors qu'elles re-rentrent et qu'il y ait une queue, enfin, pareil, que ce soit une foule en fait, qui rentre dans la maison et pour donner cette impression de, bah, malheureusement, du nombre 1. Le nombre de victimes est juste colossal, quoi, c'est terrible. D'ailleurs, c'est redit à la fin du court-métrage où on revient sur. Le reportage où il te donne des chiffres et tu dis c'est affolant. Voilà, moi je m'attendais à un effet de foule à la fin pour impacter. Et en fait, pas du tout, parce que donc on voit le personnage de Cajol qui part, et elle revient, et là on voit que c'est encore pire. Elle est accompagnée d'une petite fille qui doit avoir même pas 10 ans. Et là tu dis, ah, oh, Putain. Et c'est la seule petite fille, en fait, qui se trouve parmi elles. Et quand toutes les femmes, elles voient que c'est une enfant, là, tu sens qu'il y a quelque chose vraiment qui change en elles et qu'elles sont absolument bouleversées de voir que c'est juste une gosse. Ouais, mais la façon dont c'est fait, dont c'est filmé, je sais pas toi, mais moi ça m'a foutu, mais la boule au ventre, vraiment ce moment-là, il est hyper poignant, Ouais. il prend vraiment aux tripes, c'est très impactant. D'ailleurs, on ne voit jamais le visage de la petite fille, hein, il est toujours caché, mais ouais, ça fait mal au cœur, et voilà, pour le coup, ça rend vraiment le truc impactant, et ça se termine où ça redonne des chiffres sur les violences qui sont faites, sur le nombre de décès qu'il peut y avoir par jour, et voilà, j'ai trouvé que c'était Voilà. bien réalisé, et voilà, vraiment poignant et bien réalisé, j'ai trouvé que c'était une bonne manière de faire passer ce message. C'est ça. Et en fait, du coup, enfin, au moment où la petite fille elle rentre dans la pièce, elle va se précipiter dans les bras d'une des mamies. Alors, je ne sais pas si c'est sa grand-mère ou quoi est-ce. Et à ce moment-là aussi, la télé donc va se rallumer. Et comme tu disais, on nous annonce des chiffres. Il y a une journaliste à la télé qui explique qu'une femme est violée toutes les 22 minutes en Inde. Le court-métrage se termine, mais on a un espèce de générique qui défile. Et pareil, là, on a d'autres chiffres qui arrivent. On nous dit qu'il y a 90 viols par jour qui sont signalés en Inde, mais qu'on a seulement 32% de condamnations. Et il y a une petite phrase qui nous dit que c'est quand même ironique que les crimes contre les femmes soient si élevés dans un pays où 80% de la population vénère des déesses. D'ailleurs, bah, le terme Devi, veut dire déesse. C'est un peu ouais, le principe féminin suprême, c'est le qualificatif qui est donné à plusieurs divinités. Donc le film joue aussi comme ça avec l'ironie du titre en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a un autre film aussi que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais pareil, le titre, c'est Angry Indian Ah Goddesses. oui. Donc, c'est les déesses indiennes en colère, qu'il faut que je trouve pour le voir. Mais voilà, ça doit être sur le même genre de thématique. Mais effectivement, c'est toute l'ironie de la chose. Et ce que j'ai lu à propos de la réalisatrice aussi, c'est que. Ce qu'on voit dans le court-métrage, c'est qu'au départ, en fait, elles sont toutes en train de se disputer, mais des fois pour des trucs vraiment très futiles ou des histoires de religion, par exemple. C'est-à-dire que la jeune femme, d'un seul coup, qui est en burqa, va nous faire du slut-shaming sur la nana qui est en mini-jupe et tout, elle va dire ah, dis donc, t'as vu tes cuisses et tout, presque comme si c'était une raison, tu vois, presque. Alors qu'elle, elle est en train de picoler, on se doute que si elle picole, c'est parce qu'elle n'est pas bien, hein. Mais donc elles sont toutes là en train de se disputer sur des futilités et tout, et la directrice du film voulait expliquer que en fait il manquait un esprit de sororité et que c'était ça qui pourrait faire avancer les choses et la cause, c'est qu'il faut que les femmes déjà ne soient pas divisées entre elles, il faut vraiment qu'il y ait un esprit de sororité, d'être entre sœurs, entre copines presque, voilà, de se soutenir et de ne pas faire le jeu de toutes ces discriminations et ces injonctions que déjà la société patriarcale impose aux femmes, il faut qu'elles se serrent les coudes et que voilà, pour avancer ensemble, il faut pas qu'elles soient divisées comme ces femmes dans la pièce. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est vrai que la société a aussi l'image de la femme comme quoi, ah là là, si vous bossez qu'entre nanas, forcément, il va y avoir des tensions, du crépage de chignon et tout ça. Alors que non, pas forcément, en fait. Je veux dire, on peut très bien travailler tout en bonne intelligence. C'est pas parce qu'on bosse entre nanas que ça va forcément mal se passer. En fait, la société, elle veut vraiment que les femmes soient montées les unes contre les autres. Qu'on chamaille, qu'on se jalouse tout entre nous, qu'on soit vraiment bah, des biatches et tout ça, qu'on crache les unes sur les autres. Et comme tu dis, alors que, enfin, on a tellement besoin de sororité, de compassion entre nous, et on n'a pas besoin qu'une femme dise à une autre, ah bah tu t'es fait violer, c'est normal, t'étais en jupe, t'es qu'une salope, c'est de ta faute, tu l'as cherché quoi. Ouais, c'est un système de diviser pour mieux régner, en Ouais, fait. non Et mais tu c'est te dis ça. que, sachant que, alors qu'on fait partie de la même minorité oppressée, même si techniquement en nombre on est en majorité, je rappelle que les femmes sont à 51% de la population, malgré tout, tu te dis, mais vu qu'on est dans la même minorité qui est pleine d'injonctions, mais en fait, ne faisons pas le jeu, ne rentrons pas dans ces injonctions les unes envers les autres. Justement, il faut se défendre ensemble. Et alors, le coup de travailler entre femmes, ça amène à du crépage de chignon et à de la compétition et tout. Mais alors là, je peux vous dire que pour avoir bossé 3 ans dans une équipe pratiquement entièrement féminine, d'avoir mon bureau où on était 4 meufs dans le même bureau, je n'ai jamais vu ça. Donc, sûrement que ça existe, hein, je ne dis pas, mais il faut casser ce mythe, ce n'est pas possible. Et je travaille dans les sciences, je le rappelle, je travaille. Hein, parce que je sens venir les trucs à base de oui, les nanas entre elles, mais si elle est dans le marketing ou dans la gestion de projet, je ne sais pas quoi. Non, non, non, non, non, les gars, je travaille dans un laboratoire, dans les sciences, en chimie, d'accord? Mon équipe était à 80% féminine, il n'y a jamais eu de crépage de chignon, il faut se calmer. Donc, ce genre de mythe, s'il vous plaît, laissez pas faire, quoi. Bah ouais, parce que si t'apprends ça à ta fille ou à ta nièce ou à ta sœur, elle va vouloir bah, peut-être créer ce schéma-là. Si on lui inculque que c'est normal de se disputer avec les autres filles, de foutre la merde, de se jalouser, elle va forcément le reproduire. Et du coup, c'est un truc qui ne s'arrêtera jamais. Bah oui, non mais. Ouais, cette idée que, en fait, les femmes sont. Enfin, de considérer les autres femmes comme de la compétition, et c'est stupide. Ouais, Mais voilà. d'ailleurs, enfin, c'est inculqué, je veux dire, on en a déjà parlé dans les films, mais c'est pareil, c'est comme le principe même de se dire que celle qui va parler avec, genre, ton copain et tout, et que tu sens qu'il y a un espèce de feeling entre eux, bah, c'est pas la nana qui vient et qui a l'impression qui pense peut-être que le mec est célib, ou qui lui envoie des signaux et tout, c'est pas sur elle qu'il faut tomber, c'est sur le mec qui se comporte mal. Mais non, Ah bah on nous a totalement. inculqué que c'est sur l'autre nana qu'il faut reporter le grief, s'énerver, dire que c'est elle, en gros, la salope et tout, qui allume, etc. Alors que non, c'est pas ça! Ah mais Voilà. exactement, hein. Ah bah oui, parce que c'est la manipulatrice, la briseuse de ménage, l'intrigante. Et puis même, c'est d'un côté, c'est horrible pour les hommes, parce qu'ils sont juste considérés comme des êtres qui sont faibles, qui savent pas résister non plus. Alors que bah, enfin, c'est des grands garçons, hein, ils peuvent prendre leurs responsabilités, ils sont tout autant responsables, donc non. Bah ouais, mais c'est vraiment des trucs qui sont ancrés. Moi, je me souviens très bien d'avoir eu comme ça un jour une conversation à table avec mes parents et mon frère. Et je sais plus pourquoi on parlait du boulot de ma mère et d'un de ses collègues qui est marié et tout. Et puis il y avait une ambiguïté avec une autre collègue. Et ma mère qui commence à me faire, ouais, mais c'est l'autre, elle le chauffe, elle l'allume, ta ta ta. Et je lui fais, bah, pourquoi il l'envoie pas chier? Je fais, pourquoi ton collègue il lui met pas des stops? C'est qu'il aime bien ça. Je fais, si un jour il se passe quelque chose. Bah, c'est lui qui est en couple qui sera à blâmer, c'est pas la nana qui a tenté sa chance et puis qui a obtenu un retour, qui a obtenu ce qu'elle voulait, mais bah quand même, je veux dire, cet homme, il a un cerveau, il a une volonté, ce n'est pas un animal qui est dirigé par ses hormones. Et là, Margana me fait, ah bah ouais, c'est vrai. Je fais, bah oui! Bah Mais évidemment, enfin, ça paraît logique. quand Et puis d'un seul coup, tout le monde autour de la table a fait genre, ah bah ouais, bah oui, en fait, mais c'est tellement ancré, c'est voilà, c'est sur le coup, le blâme devait forcément retomber sur la collègue en question et pas sur le collègue qui est pas capable de se maîtriser. Bah oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est malheureux quand même. Voilà. Donc bref, c'était notre micro-épisode autour de ce court-métrage parce que bah, il nous paraissait essentiel, bah, il était en lien forcément avec l'actu de cette semaine. Avec la date du 25 novembre. Et aussi, mine de rien, le court-métrage n'est pas sorti n'importe quand. Il est sorti du coup le 2 mars 2020. Et c'était quelques jours avant l'exécution des 4 hommes qui ont comment, participé en fait au viol collectif de la jeune fille qui est morte dans le bus. On en avait parlé dans notre épisode qui parlait de Pink. Sur Tchapak. Non, sur Tchapak. Ah, parce que... oui, c'est pour Tchapak dont on a parlé. Mais on a dû le Ouais. réévoquer peut-être pour Pink, quand même, avec la culture du Oui, viol oui, et tout. oui. Oui, exactement. Donc, on vous invite d'ailleurs à aller réécouter ou découvrir nos épisodes sur Tchapak et sur Pink. Mais voilà, donc c'était juste quelques jours avant leur exécution, donc c'est quand même assez symbolique aussi. Exactement. Voilà, bon, bah, sur ce. On va C'était pas laisser très joyeux, cet épisode pas très très joyeux, hein, et puis vous avez de la chance parce que du coup vous aurez un autre épisode ce week-end aussi, Et pile en oui, même tout à temps, fait. donc voilà, allez plutôt vous divertir avec cet épisode-là. Et on vous dit pas ce que c'est, mais oh, ça va être bien. Ouais, carrément que oui. Bon, et bah à plus. Merci de nous écouter. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder le court-métrage. Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Merci à vous, à plus. जन्म जन्म जन्म साथ चलना ही तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं।